Section 6 de Promenade japonaise par Émile Guimet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 14, 15 et 16. Chapitre 14. Halte à Kanazawa. Nous marchons bon train, le chemin est mieux entretenu, les hommes ont retrouvé de nouvelles forces et la route va en descendant, car c'est au bord de la mer que nous devons déjeuner. Le paysage est toujours resplendissant. Dans les gorges des montagnes lointaines se cachent d'épaisses forêts. Les petits bois sacrés parsèment les collines de massifs sombres. Nous croisons des convois de chevaux de bât que les magots repoussent dans les haies de camélias pour nous livrer passage. Ces chevaux sont chaussés de sandales de paille qui ont exactement la forme des hippo-sandales de bronze qu'on trouve quelquefois dans les stations romaines. Ce détail me rappelle que les auteurs anciens disent souvent, quand un général se prépare à la marche, que l'ordre est donné d'entourer de paille les pieds des chevaux. On en a conclu naturellement que l'intention du général était de dérober ses mouvements à l'ennemi et d'éviter le bruit de la cavalerie au moyen de chaussures inacoustiques. On a peut-être fait beaucoup d'honneur à l'esprit d'invention des généraux antiques. Il pourrait bien se faire que cette ruse ait été une nécessité toutes les fois que les chevaux devaient fournir une longue marche. Les chevaux anciens n'étaient pas ferrés, et la sandale de paille devait seule protéger la corne de leurs pieds. Donc, jusqu'à plus amples informés, nous dirons que les chefs antiques, en entourant de chaume les pieds de leurs coursiers, n'ont pas déployé plus d'intelligence que les magots japonais quand ils vont au marché. Nous descendons toujours. Le temps s'est couvert peu à peu. La pluie commence à tomber et nous sommes obligés de ramener sur nos têtes la capote des voitures. Les premières maisons du village apparaissent, nous entrons dans des rues dessinées à angle droit. Les jinriki, pour éviter l'orage qui se prépare, et peut-être aussi poussé par cette énergie que donne aux chevaux l'approche de l'écurie, nous mènent au train d'enfer. C'est vertigineux. Je n'aurais jamais cru que des jambes humaines puissent acquérir une telle rapidité. Après avoir passé sous une espèce d'arc de triomphe formé de deux grands poteaux auxquels flottent des drapeaux couverts d'inscriptions, nous arrivons à l'auberge tenue par Murata. Ces sortes d'oriflammes qui annoncent les fêtes d'un pays sont fixées d'un côté au poteau qui les soutient et tiennent par le haut à une baguette placée en potence. C'est bizarre, pas très gracieux, mais très commode pour laisser lire les caractères compliqués qui les couvrent. À chaque poteau, sur une petite tablette, est attaché un singe vivant. Pourquoi ? Nous allons trop vite pour pouvoir demander des explications. Et puis franchement, celles que j'ai recueillies jusqu'à présent laissent à désirer et donnent peu l'envie de continuer les enquêtes. L'auberge me paraît assez étroite. On nous fait monter par un escalier fort raide dans une chambre du premier étage. Nous devrions, selon le rite japonais, quitter nos souliers pour ne pas salir les fines nattes de la chambre, mais Murata, l'aubergiste, n'insiste pas. Il a l'habitude de recevoir les Européens. Aussi, nous trouvons une table et même des chaises, ce qui est tout à fait insolite dans une maison japonaise où l'on ne s'assoit que sur les talons. Le déjeuner, parti de Yokohama, nous a précédés, de sorte que nous n'avons aucune initiation à subir au sujet de la cuisine locale. Nous sommes servis par une jolie petite fille aux pieds nus. Sa robe grise, largement échancrée sur la poitrine, est retenue par une énorme ceinture rouge à dessins blancs, attachée avec des étoffes d'un violet foncé. Sa main ne quitte pas son tenugui bleu clair. Des ficelles croisées dans le dos retiennent ses longues manches et découvrent ses bras fins et délicats. La maison est construite avec des écrans de papier qu'on fait glisser dans des coulisses et qu'on peut enlever à volonté. On a ouvert la cloison du côté de la mer et la vue s'étend sur une toute petite baie qui ressemble à un lac bordé de collines vertes. Mais la légèreté de la construction ne laisse pas de nous donner quelques inquiétudes. Le ciel devient de plus en plus noir, le vent s'élève et nous subissons une véritable rafale accompagnée de torrents de pluie. La maison tremble, oscille et vibre, l'eau pénètre un peu partout et les murailles de papier blanc paraissent plus qu'insuffisantes. Néanmoins, le repas est très gai. Virgman et Félix font le portrait de la petite fille. On cause avec entrain, on mange avec ardeur, si bien que le temps se remet sans qu'on s'en aperçoive. Aussi, nous ne tardons pas à reprendre notre route. Chapitre 15. Où l'on fait connaissance avec un bonze. Nous suivons le bord de la baie et nous nous arrêtons devant une petite barrière de bambou qui ferme un jardin. Un écriteau couvert de caractères chinois a pour devoir de nous indiquer où nous entrons. Heureusement que tout à côté, un autre écriteau nous déclare que cette porte est « Entrance Gate to the Eight Views of Kanazawa ». Ainsi, non seulement nous apprenons que nous allons contempler une des vues de Kanazawa, mais nous apprenons du même coup qu'il y a à Kanazawa 8 vues célèbres. Première vue, nous traversons une petite cour fermée d'un côté par un bois de bambou parsemé de tombes bouddhiques et de l'autre par des maisons habitées par les bonzes, gardiens de ce lieu sacré. Seconde vue, nous entrons dans un bosquet. Troisième vue, nous gravissons un escalier qui mène à une plateforme d'où l'on voit le golfe. Quatrième vue, nous entrons dans un autre bosquet. Cinquième vue, nous gravissons un autre escalier qui mène à une plateforme d'où l'on voit le golfe. Sixième vue, nous entrons dans un troisième bosquet. Septième vue, nous gravissons un troisième escalier qui mène à une troisième plateforme d'où l'on revoit le golfe. Huitième vue, sur la plateforme, il y a un pavillon en bois et dans le pavillon un bonze qui vous offre du thé. Le bonze a la tête rasée comme un bénédictin. Il est vêtu d'une robe grise. Sa figure est intelligente, moqueuse et d'une expression pleine de réticence. Après avoir avalé le thé et laissé quelques pièces de monnaie sur le plateau où sont les tasses, je crois le moment venu de profiter de la présence d'un prêtre pour demander des explications sur les stèles funéraires que j'ai vues en chemin. Le bonze consulté hésite, balbutie et finalement déclare qu'il ne sait pas. Mais la discussion est ouverte et puisqu'il y a des tombes bouddhiques dans le bois de bambou, nous nous y rendons et chacun donne son explication. La figure accroupie dont la tête est appuyée sur la main droite représente selon les uns et selon les autres Bouddha endormi, Bouddha dans le Nirvana, Amida, l'âme universelle, le défunt lui-même dans le paradis, etc., etc. Les trois petits personnages grimaçants sont évidemment les damnés. À côté de chaque tombeau, on voit des bambous coupés et fichés en terre, auxquels sont suspendus, flottant au vent, des morceaux de papier blanc découpés que les Japonais nomment goes. Ces arbres d'un nouveau genre ne laissent pas, il faut bien le dire, d'exciter à première vue un léger étonnement facile à comprendre. Devant chacun des tombeaux est une pierre percée de trois trous, deux ronds et un long au milieu, exactement comme ceux qu'on trouve sur les pierres tumulaires musulmanes de Scutari. Les deux trous ronds doivent recevoir des vases de fleurs en bambou dans lesquels on place des rameaux verts. Le trou long est un bassin que l'on remplit d'eau, puis au moyen des rameaux, on asperge la tombe avec cette eau sainte. Il paraît que cela fait grand bien aux défunts. Du moins, telle était la vie des anciens Égyptiens qui avaient aussi la coutume d'arroser les sarcophages avec de l'eau lustrale. Maintenant, le lecteur voudra peut-être savoir si les explications données au sujet des personnages grimaçants et de la figure au repos sont exactes. Puisque je suis en mesure de dire la vérité, je ne vois pas pourquoi j'en ferai plus longtemps un mystère. La figure assise est une forme du dieu Kanon, le même que l'on prend souvent pour une déesse. Il est représenté dans l'attitude de la méditation et il paraît réfléchir au moyen de sauver l'humanité. Ce moyen est naturellement le bouddhisme. Et le sauveur a été Sakyamuni, le troisième Bouddha. Quant aux figures grimaçantes, ce ne sont ni des enfants, ni des embryons, ni des damnés, mais des singes, et même des singes qui sont bien sages. L'un se bouche les yeux, l'autre se bouche les oreilles, et le troisième tient sa main sur ses lèvres. Cela rappelle tout de suite le passage biblique. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Mais il ne s'agit pas là de pécheurs endurcis et destinés à périr dans l'impénitence finale. Au contraire, le singe personnifie les passions humaines. Et ceux que nous voyons se bouchent les yeux pour ne pas voir le mal, se ferment les oreilles pour ne pas entendre de mauvaises paroles et se couvrent la bouche pour n'en pas dire. Il représente aussi le symbole des mauvaises passions vaincues par la sainteté. Notons en passant que certains vases péruviens reproduisent les mêmes singes dans les mêmes attitudes. Pendant que je me promène autour des tombes, des crabes rouges courent dans les herbes. Pourquoi sont-ils rouges? Est-ce que, par hasard, ils se seraient échappés de la casserole? Ou bien ont-ils quelque lien d'une parenté lointaine et mystérieuse avec ce homard devenu légendaire que le regretté Jules Janin dénommait audacieusement le cardinal des mers? Chapitre XVI. La tranchée d'Assaïna. La caravane se remet en marche par des montées raides et glissantes taillées dans le granit. C'est très pittoresque. Le chemin se creuse de plus en plus et nous arrivons dans une véritable tranchée de 40 pieds de haut, entre les parois de laquelle une voiture européenne pourrait à peine passer. Cet endroit s'appelle Assaïna no Kiridoshi, c'est-à-dire le chemin coupé d'Assaïna. C'est un travail du XIIe siècle et qui a été certainement exécuté sur les ordres d'Ioritomo, le premier tycoon, quoi qu'on en fasse honneur à Assaïna, qui avait probablement 13 à 14 ans quand la tranchée fut faite. Voici du reste ce que l'on raconte au sujet de ce jeune enfant. Son père, Yoshinaka, quoique du parti du drapeau blanc comme Yoritomo, était en guerre avec ce dernier, car le nouveau shogun, après s'être servi de ses alliés pour accaparer le pouvoir, attaqua successivement ceux qui lui portaient ombrage et parvint à affranchir ou à supprimer peu à peu tous ses défenseurs. Yoshinaka livra aux deux frères de Yoritomo, Noriyori et Yoshitsune, la célèbre bataille d'Udzi, près Kyoto, et il la perdit. À côté de lui combattait Tomoïe, sa concubine, femme énergique et belle qui portait déjà dans son sein le jeune Assaïna. Dans la débâcle qui suivit la défaite, Yoshinaka fut percé d'une flèche et mourut. Tomoïe fut prise et conduite au général Miura Yoshi Akira qui l'emmena à Kamakura pour lui faire subir le dernier supplice. Pendant que l'on délibérait sur le genre de mort qui devait mettre fin au jour de la belle guerrière, Miura pensait au moyen de la sauver. Il voulait surtout sauver le fils de Yoshinaka et perpétuer la race de son ennemi. Le sentiment est généreux et fort admiré des chroniqueurs japonais, mais on peut se demander si, dans un pays où les guerres sont héréditaires, la pensée qui pousse à conserver la race d'un ennemi n'est pas la même que celle qui engage le chasseur à ne pas détruire tout son gibier. N'y avait-il pas aussi cette idée de s'attacher et d'attacher au parti d'Ioritomo, dont la puissance nouvelle était fort contestée, un jeune prince autour duquel gravitaient de nombreux et vigoureux partisans? Quoi qu'il en soit, Miura sauva la mère et l'enfant en épousant la mère. C'était dans tous les cas le moyen d'obtenir une récompense immédiate de sa générosité. L'enfant fut élevé dans un palais de Kanazawa et Ioritomo, ayant établi sa cour à Kamakura, faisait souvent venir auprès de lui le jeune prince, dont il appréciait l'intelligence, le courage naissant et sans doute aussi la puissance future. C'est, dit-on, pour faciliter ses relations amicales que la tranchée fut faite. On assure qu'Assaïna y passa le premier et lui donna son nom. Mais si l'on réfléchit à la situation qu'avait à Kamakura le premier shogun, si l'on reconnaît que le petit port de Kanazawa devait être un refuge inattaquable pour les vaisseaux anciens, si l'on considère enfin qu'Assaïna et ses partisans étaient séparés de la cour par une infranchissable muraille de rochers, on comprend facilement que ce sont plutôt des mesures stratégiques, politiques et féodales qui ont fait exécuter ce travail gigantesque. Il faut donc, pour être dans le vrai, attribuer à l'intérêt personnel du nouveau maître du Japon ce beau travail d'ingénieur et n'y pas voir, avec la légende, une fantaisie dictée par l'amitié. Le côté romanesque de cette histoire est contesté par certains chroniqueurs qui disent qu'après la défaite d'Uzi, la belle Tomoïe se retira dans un couvent et se fit bonzesse. Peu importe du reste, car l'intérêt de l'anecdote est dans la construction du grand chemin que nous parcourons. Au milieu de la tranchée, dans un lieu tout rempli d'une délicieuse fraîcheur, s'élève une maison de thé, consistant en un toit de chaume épais que supportent, en guise de pilastre, des piquets de bambou. Nos hommes se sont arrêtés là un moment pour fumer une de ces imperceptibles pipes japonaises qui donnent trois bouffées de fumée et s'éteignent. Les Japonais sont des délicats qui savent se réserver le plaisir des choses en ne se rassasiant jamais. Pour allumer ces calumets éphémères, les fumeurs ont recours ordinairement au shibashi, sorte de fourneau qui contient des cendres chaudes, à l'instar du couvet en usage dans les départements du nord de la France. Ici, le shibashi est remplacé par une vieille racine creuse, de forme bizarre, où viennent puiser sans cesse voyageurs, pèlerins, paysans et autres nomades. Cette maison a la réputation d'être un bon coin. Ceux qui passent par les environs n'auraient garde de manquer de s'y arrêter au moins quelques instants. Fin de la section 6.